sa présence ce matin. Et nous vous accueillons encore une fois dans la présence de notre Dieu. Nous disons bonne Pâque à toutes les familles archoises, toutes les familles chrétiennes à Goma, dans le Nord Kivu et partout dans le monde. Et voilà, nous allons célébrer notre Pâque de cette manière. L'essentiel, ce que nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Une mort et une résurrection qui nous ont donné la vie, la quiétude. Et lorsque nous lisons dans Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » J'aimerais que nous puissions, là où nous sommes, nous lever, célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous allons l'acclamer pour sa résurrection. Et nous disons bravo Jésus, bravo Jésus, bravo Jésus. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Sa mort n'est pas passée inaperçue, mais sa mort nous a donné la vie. Et il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Gloire à notre Dieu. Nous allons louer notre Dieu ce matin. Nous allons chanter sa victoire. Et non seulement il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Beta mololo, mololo. Hey, hey, hey, hey. Oh, victoire, victoire, victoire à Jésus, notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Oh, victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Oh, victoire, victoire, ah, victoire. Jésus, Jésus notre roi, qui pourra condamner, et qui marche dans la sainteté. Oh, victoire, victoire, Jésus, Jésus notre roi, qui pourra condamner, et qui marche dans la sainteté. Oh, honneur, honneur, honneur à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Oh, honneur, honneur, ah, honneur à Jésus notre roi, qui pourra condamner, hey, le. Et qui marche dans la sainteté. Oh, honneur, honneur, honneur, honneur. Il est digne d'honneur, notre Dieu. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés. Et qui marche dans la sainteté. Beta, mambo, beta, mambo. Alléluia, hey, hey. Alléluia, alléluia, hey. Oh, victoire, signe de victoire, signe de victoire, victoire, à la croix Jésus a tout accompli. Oh, qui pourra condamner, ah, hey, hey. Ah, Jésus, qui oh, honneur, honneur, honneur, honneur à Jésus notre roi, qui pourra condamner, ah, et qui marche dans la. C'est pourquoi je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les temps. Il est le roi, sa victoire m'appartient. Désormais, désormais, désormais. Oh, je vais chanter pour Jésus. Oh. Il est le roi. Chante, chante, chante, chante, chante, chante, chante. Il est le roi. Oh, sa victoire nous appartient. Désormais. désormais, et il désormais. Si c'est acclamé, j'acclame pour Jésus. Dégage, dégage, dégage, dégage, dégage, dégage. Sa victoire nous appartient. Oh. Désormais, je régnerai. Des cris de joie, je les lance pour Jésus. Je le lance pour Jésus. Sa victoire m'appartient. Désormais, je régnerai. Alors si c'est danser, je danse pour Jésus. Quand on danse, quand on danse, quand on danse, la danse pour célébrer la résurrection. Sa victoire nous appartient. Désormais, je régnerai. On va. Élevez Jésus, élevez, élevez Jésus, élevez, élevez Jésus, élevez, élevez Jésus, élevez, élevez Jésus, élevez, élevez Jésus, élevez, élevez Jésus, élevez, élevez Jésus, élevez. Ça vous passe, ça vous passe, ça vous passe. Tout, tout, tout. Oh, et moi je vais chanter pour Jésus. Sa victoire, oh, sa victoire m'appartient. Oh. Désormais, je régnerai. Et Awinaka, et longues aliayo, Kokuma, Maléloyo. Say, say, say. Jésus dans le corps de sa chair. Nous avons été réconciliés avec le Père. nous avons été réconciliés avec le Père. Et l'apôtre Paul dans Éphésiens 1:13, il dit, lorsque nous avons cru en ce Jésus, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Désormais, le Saint-Esprit de Dieu qui en nous Abba Père. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Nous sommes le Père de Jésus. Nous sommes le Père de Jésus. Voilà pourquoi nous pouvons élever nos voix et prier. Voilà pourquoi nous pouvons élever nos voix et adorer le Seigneur. Nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes les enfants de la maison. Nous ne sommes pas du dehors. Nous ne sommes pas du dehors. Nous ne sommes pas du dehors. Nous ne sommes pas du dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez user de votre droit maintenant, de votre dignité de célébrer Dieu. Désormais, lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas tel que nous sommes avec nos péchés, nos insuffisances, mais il nous regarde au travers du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui dissipe toutes nos ténèbres. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est tellement puissante. Oh, Jésus, non seulement il est mort, mais aussi il est ressuscité. Je déclare à quelqu'un que là où tu es, quel que soit l'endroit, ta santé est restaurée à cause du sang de Jésus. Je voudrais le dire encore plus fort ce matin. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le nom de ta maladie, ta santé est restaurée à cause du sang de Jésus. Parce que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous dans un même esprit, on peut le dire, les ténèbres ont reculé. Reculé devant l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé et le sang versé. Est-ce que dans le quartier on peut entendre des voix chanter ce chant? Les ténèbres ont reculé, ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé et le sang versé. On éclate. Les ténèbres ont reculé. Chanter ce chant. devant ces géants de maladie, les ténèbres vont reculer. Oh, reculer devant l'œuvre de la croix. Il est ressuscité, il est vivant, assis à la droite de l'Père, en agneau. Et le bon envoi et célébrant, le roi ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Notre Dieu est vivant, il a vaincu la mort. Mon, tu as perdu ton aiguillon devant Jésus. Tu as perdu ta puissance. Tu as perdu ta force. Bien-aimé, vous avez raison de lever votre voix. Vous avez raison de joindre la voix à la mienne. Votre maison est une maison de prière. Votre maison est une maison de célébration. Oh, élevons le roi des rois dans nos maisons. Élevons le roi des rois. Le roi des rois dans nos demeures. Mon salon est une maison de prière. Maison de prière. Mon bureau est une maison de prière. Moi-même, je suis une maison de prière. Sois élevé, Jésus. Je suis devenu fils de Dieu. Je ne suis plus quelqu'un du dehors, mais je suis membre du corps du Christ. Je suis membre du corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez droit de parler, vous avez droit de parler, vous avez aussi droit de prier, parce que Christ vous a réconcilié avec le Père. Qui aurait imaginé un Congolais de mon état dans le sacerdoce? Qui aurait imaginé un Africain dans le sacerdoce? Le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Je ne suis plus esclave. Jésus m'a racheté. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui parlent en langue, vous manquez de paroles, ce n'est pas un problème. Vous pouvez adorer le Seigneur même en langue. Jésus, oh! Jésus, oh! Jésus! Jésus, oh! Jésus, oh! Tu m'as ébloui à ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant des délivrances de mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Quelle que soit la langue, vous pouvez chanter avec moi, on y va. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Moi là-haut, je ne suis plus esclave. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Vous ne connaissez pas le chant. Peut-être c'est un chant nouveau pour vous. Mais ce matin, je voudrais nous dire, c'est une déclaration simple que nous pouvons faire. Mais elle a un très grand impact dans nos vies. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. La mort a perdu la force devant Jésus. Maintenant, la puissance qui a ressuscité Christ vit en nous. La Bible dit, cette puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous pouvons croire encore à la vie parce que la mort de Jésus nous a donné la vie. Vous ne connaissez pas les chants, mais j'aimerais qu'on chante juste une partie où nous faisons une déclaration de notre identité. Ce qui est devenu notre identité en Christ. Je ne suis plus esclave de la peur. Ouais, c'est trop simple, on y va. Je suis enfant de Dieu. Participez au culte, on y va. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Vous pouvez chanter avec votre radio. On y va. Je ne suis plus esclave de la peur. Enfant de Dieu. Jésus. Tu vois qu'on change un peu de verbe. On va dire, je ne suis plus soumis à la mort. On y va. Je ne suis plus soumis à la mort. suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus soumis à la mort, on y va. Je ne suis plus soumis à la mort. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il m'a racheté, a fait de moi son enfant. Oui, il m'a lavé, il m'a promis son ciel. Oh, na upenda musala baou, guvuza zani pa ushi, inda musala na ukumba. Est-ce que la batterie peut arrêter juste les voix dans nos familles, on y va. Na upena musala ba u vuzake zanipa kushinda salaba Yesu salaba na ukumbatia atanita. Vous chantez bien. Le clavier peut remonter aussi avec nos voix. On y va. Na upena musala ba u guvuzake zanipa kushinda salaba wake Yesu salaba na ukumbatia atanita. Na upena mie musala ba u guvuzake zanipa kushinda salaba na ukumbatia atanitakapo patata. On acclame très bien le Seigneur. Tunashangilia vizuri Bwana. Alléluia, alléluia. Amen. Là où tu te trouves, mahali ulipo, j'aimerais te souhaiter bonne fête de Pâques. Ningependa nikutakie karamu nzuri ya Pasaka. Et avant que nous puissions continuer plus loin, na mbele tuendelee mbali zaidi, j'aimerais partager avec toi quelque chose rapidement. Ningependa nichangie pamoja nawe kitu kidogo. Et puis nous allons inviter le pasteur Jean-Pierre qui va nous partager la parole du jour. Na kisha tutamwalika mchungaji Jean-Pierre ambaye. Alléluia. Amen. Les saluts. Ukovu. La gloire. Utukufu. Et la puissance. Na uwezo. Sont à notre Dieu. Ni vya Mungu wetu. Vous savez frères sœurs. Unajua ndugu na dada. Nous commémorons aujourd'hui la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort et il est ressuscité. dans cette œuvre de la mort et la résurrection, ndani ya kazi hii ya kifo na ufufuko, nous tirons beaucoup de bénéfices. Tunakuwa na faida nyingi humo. Et le premier bénéfice, faida ya kwanza, c'est qu'il nous a réconciliés avec le Père. Ni kwamba alitupatanisha pamoja na Baba. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu lises avec moi. Ningependa usome pamoja nami. Dans Colossiens chapitre 1er, ndani ya kitabu cha Wakolosai sura moja, verset 12 à 23, il est écrit. Mstari wa 12 hadi 23. Rendez grâce au Père. Shukuru Baba, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. S'il te plaît, tu peux te lever là où tu te trouves, même si tu es seul. Et lire ça avec moi. Ce texte est très important. Parce que nous tirons dedans beaucoup de choses qui constituent les garanties ou les appuis de notre foi. On recommence au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a réconciliés, redélivré la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils et son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, et tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance et l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous les ciels et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. On acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Mon frère, ma sœur, ndugu yangu na dada yangu, là où tu te trouves, mahali ulipo, retiens ceci, shika hii, par la mort de Jésus-Christ, kupitia kifo cha Yesu Kristo, la commémoration de la Pâque, kusherekea Pasaka, n'est pas juste une fête ou un souvenir ou de l'histoire, siyo tu sherehe ama historia, mais c'est une référence à quelque chose d'historique. Lakini inakuwa ni kutazama quelque chose kitu que personne ne pouvait faire. Kitu ambacho hakuna mtu ambaye ingepaswa kufanya. Il est écrit dans Apocalypse 5. Imeandikwa ndani ya kitabu cha Ufunuo 5. Jean dit je pleurais beaucoup. Yohana anasema nililia sana. Parce que nul ne fut trouvé digne. Sababu hakuna aliyeweza kustahili. De regarder les livres ni et de rompre le sceau. Kutazama kitabu ama kuvunja mihuri zake. Et finalement plus bas il dit. Na hapo chini anasema kwa mwisho. Et l'ange me dit. Na malaika akaniambia. Ne pleure pas. Usilie. Car l'agneau, mana mwana kondoo, qui a été immolé, aliyechinjwa, a été trouvé digne, amestahili, de prendre ce livre, kuchukua kitabu hiko, et de rompre le sceau, na kuvunja mihuri zake. Alléluia. Amen. Et lorsque l'agneau a pris le livre et a rompu le sceau, na wakati mwana kondoo alipochukua kitabu na kuvunja mihuri, les louanges ont commencé. Sifa zikaanza. Regardez ça avec moi. Tazama pamoja nami. Apocalypse chapitre 5. Ndani ya kitabu cha Ufunuo sura 5. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Il est écrit au verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang, ton propre sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'attends la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et les vieillards. Et leur nombre était des myriades et myriades, des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et retenez, frères et sœurs, le verset 13 nous dit, « Et toutes les créatures... » Toutes les créatures, les arbres, les montagnes, les étoiles, milima, nyota, les lacs, bahari, les rivières, mito, les astres, hata tout manyota, ce qui est toutes les créatures, toute chose qui a été créée par Yahweh, vitu vyote vilivyoumbwa na Yahweh, toutes les créatures qui sont dans les cieux, dans mbinguni, le ciel, mbinguni, et qui sont sur la terre, duniani, et qui sont sous la terre, na même l'or, chini les diamants, hata zahabu, les métistes, hata ile les mawe ya samani, tout ce que vous connaissez, yote ceux qui sont sous la terre, chini ya dunia, ceux qui sont sur la mer, juu ya bahari, et tous ceux qui s'y trouvent, na yote iliondani, je les entendis qui disaient, nikawasikia wote wakisema, à celui qui est assis sur le trône. Écoutez, frère, si tu es aussi une sikiliza, créature, na dada, kama dis ceci avec kiumbe, moi, sema hivi pamoja nami, si tu es une créature, kama na wewe ni kiumbe, en fait, qui n'est pas créature? Sasa nani ambaye yeye si kiumbe? Ya Yahweh qui n'est pas créature. Ni yawe tu ndiye yeye si kiumbe. Si tu es une créature, lakini dis kama wewe ni kiumbe, sema hivi pamoja nami. Mahali pote si ulipo, Dieu, hata kama wewe humwamini Mungu, tu es une créature. Wewe ni kiumbe. Tu n'existes pas par toi-même. Wewe hauko kupitia wewe mwenyewe. Et toi qui me regardes, na wewe unayenitazama, et qui comprends, na unayeelewa, que tu es une créature, ya kwamba wewe ni kiumbe, je t'invite, ninakualika, dis-le même malgré toi, uiseme hata kama utaki, parce que tu es une créature. Sababu wewe ni kiumbe. Toutes les créatures, kiumbe vyote, ils dirent, wakasema, à celui, dit avec moi, sema s'il te plaît, pamoja nami kwa yule, allons-y ensemble, twende pamoja, à celui qui yule, est assis sur le trône, anayeketi kwenye kiti cha enzi, et à l'agneau, na kwa mwana kondoo, soit la louange, l'honneur, heshima, la gloire, utukufu, et la force, nguvu, au siècle des siècles, na milele. Et les quatre êtres vivants disaient, amen. Et les vieillards se prosternèrent et adoraient. Là où tu es, commence à adorer mali pendant quelques minutes. Ils se prosternèrent et ils adoraient parce que l'agneau venait d'être immolé. L'agneau venait de rendre possible le salut, rendre possible la possibilité de réconciliation entre l'homme et Dieu, la réconciliation de toutes choses avec Yahweh, car toute la création soupirait après la manifestation des fils de Dieu, et le premier fils est venu. Il est monté à Golgotha. Il a supporté l'ignominie. Il a supporté la honte. Il a supporté le châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Adore les frères. Adore les mon frère. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Parce que tu es sûr, nous avons même été guéris. Oh Yaka. Nous avons été guéris. Il nous a réconciliés avec le Père. Et nous avons obtenu béni miséricorde par sa grâce. La grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce qui est en Jésus-Christ nous a réconciliés. Alléluia. Les saluts à notre Dieu. Les saluts à notre Dieu. Les saluts à notre Dieu. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés? Qui pourra condamner ceux qui sont réconciliés? Nous sommes réconciliés avec lui. Monde des ténèbres, foutre, nous avons obtenu grâce et nous avons été réconciliés avec le Père. Nous faisons maintenant membre de sa famille. Nous sommes de la famille du Père. C'est pourquoi par la mort de Christ, il nous a transporté du pouvoir des ténèbres et nous a amené dans le royaume de son Fils, en qui nous avons le pardon, la rémission des péchés. Lorsque le même, puisque le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts vit en nous, le même esprit rendra aussi la vie à nos corps mortels par l'Esprit qui habite en nous. Oh Yahweh, merci de rendre la vie à nos corps mortels. Même si tu as déjà été affecté par le coronavirus, écoute ce message de Pâques. Écoute le message de la grâce. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par l'esprit qui a ressuscité Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois donc guéri, non pas seulement de ce virus, mais de quelques maladies que tu ressentes. Si tu as quelques maladies, écoute et sois guéri. Parce que Jésus-Christ, l'agneau, il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Alléluia. Béni soit le roi qui est venu au nom du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Célébrons-le, célébrons-le, célébrons-le. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Amen. Nous t'aimons Jésus. Personne ne pouvait le faire. Il n'y a que toi. Frère, sœur, là où tu te trouves, lève-toi, on va chanter un cantique pour les ressusciter. Tout à l'imba, Kimbo, ça va boire mes foufoukas. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Il est ressuscité, il est vivant. Amen, foufouka, il est vivant. Il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. À la radio, sur les réseaux, louons le Seigneur, il est vivant. Dans nos pays, dans nos nations, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Amen. Nous disons encore merci ce matin, Seigneur, parce que tu nous as encore donné une bonne opportunité afin que nous puissions te louer. Nous savons que les temps et les circonstances ne peuvent pas nous empêcher de te louer. Comme pour les cas de Paul et Silas, la prison ne les a pas empêchés de te louer. Et aujourd'hui, nous sommes en train de déclarer que le confinement ne va pas nous empêcher de te louer. Nous proclamons, Jésus, que tu es victorieux parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu les tombeaux et tu as vaincu les diables. Tu es ressuscité et tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes en notre faveur. Et c'est pour cela que le monde entier nous sommes en train d'acclamer ta victoire aujourd'hui. Merci Jésus. Sois avec nous pendant ces moments. Et donne-nous encore d'écouter ta parole. Et laisse que tu nous encourages. Bénis ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans tarder, nous allons continuer avec la leçon que nous avions commencé le vendredi. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas partir dans le même chemin que dans lequel nous étions le vendredi. Tenir ferme à face des vents contraires. Le vendredi, nous étions en train de parler des tenures fermes face aux vents contraires que nous rencontrons dans la vie. Et aujourd'hui, nous allons parler notre thème d'aujourd'hui. C'est de dire, Seigneur, enseigne-moi. Ça veut dire qu'à partir des problèmes que nous rencontrons, parce que nous avions compris que nous naviguons dans des vents contraires, et nous rencontrons avec des difficultés de toutes sortes. Comme les apôtres ont rencontré à leur moment des difficultés de toutes sortes. Mais le Seigneur Jésus a pris le temps de les enseigner de grandes leçons. Et notre prière est qu'à travers de ce moment que nous sommes en train de traverser de confinement et que nous ne puissions pas y quitter sans avoir retenu la leçon que le Seigneur veut nous apprendre à partir de cette période. Nous voyons que l'homme de Dieu, Jonas, il a rencontré du vent contraire lorsqu'il était en train de fuir son appel. Et il a été même jeté dans l'eau. Et il a vécu son confinement dans le ventre du poisson. Le confinement de Jonas était pour 3 jours. Et c'est pendant ces 3 jours, il y a 3 jours d'enseignement que Mungu alikuwa anafundisha Jonas ma leçon capitale ya maisha yake. C'était 3 jours pendant lesquels Dieu était en train d'enseigner à Jonas des leçons très importantes pour sa vie. J'aime beaucoup Jonas parce qu'il était dans le ventre du poisson, mais il croyait que ce n'était pas encore fini. Je vais dire à quelqu'un partout où il peut se retrouver, plus encore ceux qui sont dans des hôpitaux qui ont été atteints dans le corps, bien aimé, ce n'est pas encore fini pour vous. Jonas continue de croire que ce n'était pas encore fini. Partout dans toutes les nations, vous pouvez vous retrouver, l'histoire avec Dieu n'est pas encore finie. Et tout va dépendre avec l'attitude de nos cœurs. L'attitude du cœur de Jonas était déterminante. En Ou bien les poissons pouvaient continuer avec son processus digestif pour manger Jonas. Ah, Mungu a intervenir na coordonner samaki amtapike Jonas. Ou bien Dieu pouvait intervenir et sauver Jonas du ventre du poisson. Unaposoma ndani ya chapitre 2 ya livre ya Jonas. Lorsque tu lis dans le chapitre 2e du livre de Jonas. Inapongelea juu ya Jonas ndani ya tumbo ya. Lorsqu'on est en train de parler de Jonas dans le ventre du poisson. Jonas hakukua mule kimya. Jonas n'était pas calme là-bas. Kama vile Mungu hapendi kanisa tunyamaze kwa hiyo wakati. Et c'est pour cela que Dieu ne veut pas que nous restions calmes pendant ces moments nous Église. Le moment de confinement est très important pour négocier avec Dieu. C'est un moment très important pour que nous interagissions avec Dieu. C'est un moment important pour dire à Dieu qu'est-ce que tu veux me dire. Qu'est-ce que je dois comprendre pendant cette période? Pourquoi tu as permis cette période? La Bible dit que personne ne peut autoriser à une chose d'arriver si ce n'est que Dieu qui le permet. Dieu a permis qu'aujourd'hui le monde entier soit en confinement. Dieu a permis que les choses soient telles qu'elles sont pour le moment. Et nous voyons que Dieu a touché Jonas. Et il lui a enseigné pendant qu'il était dans le ventre du poisson. Et Jonas a compris la grande leçon de sa vie. Que ce n'est pas vraiment bien de résister à Dieu. Parce qu'avant qu'il n'entre dans ces confinements, Jonas résistait avec l'appel de Dieu. Si plusieurs personnes aujourd'hui dans le monde, Dieu les a appelés au sali. Mais ils sont en train de rejeter les salis de Dieu. Ils sont en train de rejeter la parole de Dieu. Ils sont en train de rejeter la bonté de Dieu. Ils sont en train de rejeter l'amour de Dieu. Bien-aimé. Attitude yetu. Notre attitude. Inaweza kuchanger si hii muda inaweza kufanya hii muda iongezeke au ipungue. Peut faire à ce que ce moment soit raccourci ou que ça puisse continuer. Na tunaona Jonas alipoelewa. Et nous voyons que lorsque Jonas a compris. Na kuitika volonté ya Mungu itimilike. Et qu'il ait accepté que la volonté de Dieu soit accomplie. Mungu aliamuru samaki mtapike. Dieu a ordonné que les poissons puissent le vomir. Unajua ni Yesu tu ndio iko na pouvoir. Vous savez que c'est Jésus qui est le seul à avoir le pouvoir sur ces choses comme les corona. C'est Jésus qui a les derniers mots sur toutes les créatures comme nous avons entendu dans le livre d'Apocalypse. Et les scientifiques nous ont dit que les créatures qui sont sous le sol, sous le sol sont plus nombreuses que celles qui sont au-dessus de la terre. Et les baleines se soumettent à la parole de Dieu. Et c'est vraiment désolant en nous, comme ayant de l'intelligence, refuser de nous soumettre à la parole de Dieu. Et nous voyons que celui-ci a eu la leçon pour sa vie. Nous allons voir quelqu'un d'autre qui a eu les leçons de la vie pendant qu'il était dans des temps de difficulté. C'était un grand roi. Nous sommes dans les livres de Daniel, chapitre 4. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les difficultés que Dieu peut permettre dans le vent contraire. Mais pendant ces moments, Dieu peut nous enseigner aussi les leçons de la vie. Et c'est pourquoi moi je crois que Dieu est en train de parler avec le monde pendant ces moments. Ici nous voyons dans Daniel chapitre 4. On est en train de parler du grand roi Nebuchadnezzar. C'était un roi très orgueilleux. Rempli de lui-même. Alikuwa na jijia yeye mwenyewe. Alikuwa hajua hata kama kuna Mungu. Et il ne savait même pas s'il y avait un Dieu. Na Mungu akaamua. Et Dieu a décidé. Amuimilie. Que l'humilie. Kwa magumu yenye atapitia. ou à travers des difficultés qu'il va traverser, qu'il apprenne la grande leçon qu'il doit comprendre. Que même si tu es un roi, il faut savoir que là au ciel, il y a un roi qui est au-dessus de toi, qui t'a établi. Il a le pouvoir de t'élever. Il a aussi le pouvoir de te rabaisser. Et c'est la leçon que Nebuchadnezzar devrait retenir. Dans quel environnement? Nous allons lire dans Daniel chapitre 4. Nous allons lire le verset 28 jusqu'à. Lisons au nom de Jésus. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que je bâtis comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Tu es en train d'attendre l'orgueil de quelqu'un. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec le bête de champ. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que les Très-Hauts dominent sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crissent comme le plume des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont les règnes subsistent de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un ayant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ces temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voix justes, occupées à baisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Amen. Il peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Anaweza kuwashusha wote wanaotembea ndani ya kiburi. Bafalme mingi ya hii dunia yetu. Il y a plusieurs rois de ce monde aujourd'hui. Il y a plusieurs rois qui sont au-dessus, qui dirigent le gouvernement de ce monde. Le roi qui dirige le peuple de Dieu. Ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils sont remplis de l'orgueil. Ils sont en train de chercher quelle est la propre gloire. Et ils s'en foutent de Dieu. Un jour, Pharaon a dit, qui est Dieu? Et Dieu a autorisé que ce roi puisse traverser des moments difficiles. Qu'on lui ravisse sa royauté. Et qu'il aille dans la qu'il commence à brouter les herbes comme des animaux et que la rosée du ciel tombe sur lui et c'était pendant 7 ans et j'aime beaucoup la Bible dit jusqu'à ce que il y a des problèmes là qui sont attachés avec des gens à cause de la folie qui règne dans leur cœur. Refuser d'écouter Dieu de l'écran. Et ceci maintient les hommes dans des temps de difficulté. Nous voyons que les problèmes de l'enfant prodigue ont perduré jusqu'à ce qu'il l'a reconnu. L'orgueil du monde de ce roi peut amener Dieu à décider à ce que nous passions situation d'humiliation. Nous pouvons être humiliés à cause de l'orgueil des dirigeants. Jusqu'à ce que celui-ci s'est humilié et reconnaître que le véritable roi, c'est celui qui est au ciel. Là où vous êtes dans des nations, au-dessus des entreprises, nous devrions changer la façon de réfléchir. Élever Dieu au lieu d'élever les hommes. Au lieu de nous élever nous-mêmes. Au lieu de chercher notre propre gloire. Cherchons plutôt la gloire de Dieu. Et cette leçon, Nebuchadnezzar l'a apprise lorsqu'il était dans des souffrances. Et avant que je termine cet exemple, nous allons aller vers le peuple de Dieu et voyons ce que Dieu leur a fait. Deutéronome chapitre 8. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 8. Nous allons écouter ce que Dieu nous dit dans Deutéronome 8, 1 à 3. Lisons au nom de Jésus. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ce commandement. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais connue de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Il a fallu qu'Israël apprenne que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Comme aujourd'hui dans notre monde, nous sommes en train de courir derrière les besoins physiques seulement. Et nous oublions le besoin de l'âme, le besoin de l'esprit. Nos âmes sont enfermées depuis longtemps. Et Dieu est parti enseigner cette leçon à Israël dans le désert. Moi, je crois que ce désert que nous sommes en train de traverser aujourd'hui dans notre monde, il y a une grande leçon que le Seigneur est en train de nous enseigner dans plusieurs dimensions. Même nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas épargnés. Il y a des grandes leçons qui nous sont enseignées. Et c'est pourquoi Dieu a permis que ce virus atteigne le monde entier. Parce qu'il y a des leçons que le monde entier doit écouter. Et si nous écoutons, Dieu peut nous faire grâce comme il a fait grâce à Nebuchadnezzar. La Bible n'asema akarudishwa. Est-ce que nous ne pouvons pas aimer à ce que nous soyons rétablis? Est-ce ce n'est pas notre prière, nous tous, à ce que nous soyons rétablis? Mais si Dieu est en train de poursuivre un objectif, vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui croient que les autres ne sont pas des personnes à cause seulement de la race. Il y a des gens qui croient que quelqu'un qui est noir n'est pas vraiment une personne. Et il faut que Dieu détruise toutes ces choses dans le cœur des gens. Bien-aimé, c'est pour cela que ce moment ne doit pas passer comme ça avant. Tout en chacun de nous doit écouter Dieu. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'apprends? Avant de quitter ici, je vais vous dire deux choses que Dieu a voulu qu'Israël se souvienne toujours. La première chose que Dieu voulait à ce qu'Israël ne puisse pas oublier, Dieu voulait à ce qu'ils se souviennent du chemin qu'ils ont traversé. Pendant 40 années dans les déserts, toute étape, chaque circonstance, chaque situation avait l'importance que Dieu lui accordait. Et dans chaque étape qu'ils ont traversée, Dieu continue à leur manifester sa bonté. Mungu akupenda wasahau. Et c'est pourquoi Dieu ne voulait pas qu'ils oublient. Même nous aujourd'hui, malgré, hali yenye tunapitia, malgré les moments que nous sommes en train de traverser, wema wa Mungu mpaka hapa tumefika. Nous pouvons regarder la bonté de Dieu jusque là où nous sommes. Tu malaire ambayo inatokea leo. Ne voyons pas seulement ce malheur qui nous attend aujourd'hui. Tunaweza kuona bonté ya Mungu. Nous pouvons aussi voir, considérer la bonté de Dieu. Et nous pouvons dire, Seigneur, jusqu'ici, tu nous as secouru. Et la deuxième étape, si tu vois au verset 4e, Dieu commence à leur faire souvenir que leurs habits ne te paisaient, même leurs souliers ne te paisaient. Prise en charge, il quoi assurer quoi? Ça veut dire qu'ils avaient l'assurance de la prise en charge divine. Dans le désert, kukula bali dépendre na Mungu. Dans le désert, pour manger, ils dépendaient de Dieu. Abaku dépendre na na akiliza au na vitu gani vyao. Ils ne dépendaient pas de leur intelligence, de leur capacité, mais leur vie dépendait de Dieu. Ini kutufundisha ya kwamba. Pour nous enseigner. Kwa avenir yetu. Que dans notre avenir. Tunapashwa kitu ya pili kujua kujikonfie kwa Mungu. Il faut que nous sachions comment nous confier à Dieu. Chapitre 9. Et c'est ce qui se retrouve au chapitre 9. Kuambia juu ya victoire zenye batabeba sababu inchi balikuwa habaya wanapaswa kuconquérir. Il était en train de parler des victoires qu'il devait remporter parce que le pays n'était pas encore conquis. Chapitre 9. Au chapitre 9e de Deutéronome 1 à 6. Mungu akasema ile victoire mutapata haitakuwa juu yenu, itakuwa juu yangu. Dieu est en train de leur montrer que les victoires qu'ils vont remporter, ce ne sera pas par leur force, mais ça sera à cause de Dieu. Ni kusema tukue reconnaissant ku maisha yenu tumefanya mpaka hapa. Ça veut dire que nous devons être reconnaissants pour la vie que nous avions menée jusqu'ici. Na kujikonfier kwa Mungu juu ya suite ya maisha yetu. Et savoir se confier à Dieu pour la suite de notre vie. Peuple de Dieu, confions-nous à Dieu kwa hii maisha yenye tumefikia ndani. Confions-nous à Dieu, peuple de Dieu, pour la vie dans laquelle nous sommes arrivés. Tutatoka namna gani mwa hii situation tumeingia ndani, c'est confier à Dieu. Comment allons-nous sortir de cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? C'est en nous confiant à Dieu que nous allons nous en sortir. Tendant vers la fin. Nous allons rentrer dans notre texte de base dans Luc chapitre 8. 22 à 25, tu commentes quelques éléments, afu tuingie katika maombi. 22 à 25, et puis nous allons prendre quelques éléments, et puis nous allons encore entrer dans la prière. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Siku moja Yesu akapanda ndani ya mashua pamoja na wanafunzi wake. Et il dit passons de l'autre côté du lac. Na kawambia tuvuke ngambo ingine ya bahari. Ils partirent. Na wakaenda. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Wakati walipokuwa wanaenda, Yesu kalala. Un tourbillon fondit sur le lac. Na mawimbi ikaingia ndani ya bahari. La barque se remplissait d'eau. Na meli kajaa maji. Et ils étaient en péril. Na wote walikuwa wanatafuta kupotea. Ils s'approchèrent et le réveillèrent. Wakamkaribia na kumuamsha. En disant, maître, maître. Wakisema bwana, bwana. Nous périssons. Tunazama. S'étant réveillé, il menaça le vent. Alipoamka akashambulia bahari. Et les flots qui s'apaisèrent. Qui s'apaisèrent et le calme revint. Akashambulia upepo na mawimbi na yote yakanyamaza na kimya karudi. 25. Na kisha akawaambia, votre foi. Iko wapi imani yenu? Saisi de frayeur et d'étonnement. Waliposhikwa na woga na mshangao. Ils se dirent les uns aux autres. Wakasema wamoja kwa wengine. Quel est donc celui-ci? Huyu ni nani basi? Qui commande même au vent et à l'eau? Baya na yamuru hata upepo na maji. Et à qui il obéit? Namba wote wanatii. Qui commande même au corona? Amba anamuru hata corona. Et à qui corona obéit? Amba hata corona inatii. Huyu ni nani? Ile kilu ile. Tuko na besoin ya kujua huyu ni nani? Nous avons besoin de savoir qui il est. Ni kusema Bwana Yesu aliruhusu hii va itokee. Ça veut dire que Jésus a permis que ce vent apparaisse. Mpaka hapa walikuwa hawajua mweki kiwango. Et jusqu'ici ne le savait pas encore dans cette dimension. Kanisa, wewe mkristo kule kote mudunia unanisikia. Église partout dans le monde où tu es en train de me suivre, un chrétien. Yesu sawa nani? Tu connais Christ comme qui? Wewe unamjua Yesu sawa nani? Tu connais Christ comme qui? Ndani ya Matthieu 16 aliuliza ulizo. Dans Matthieu 7 il a demandé une Dans Matthieu 16 il a demandé une question. Watu wanasema niko nani? Les gens disent que moi je suis qui? Na majibu yalikuwa mengi. Et il y avait plusieurs réponses là-bas. Na kuanzia verset 15 akasema na nyinyi mnasema niko nani? Et à partir du 15e verset il leur a redemandé et vous dites que moi je suis qui? Bien-aimé, ile jibu ambao wewe utajibia kama Yesu ni nani? Bien-aimé, la réponse que tu vas répondre sur qui est Jésus est très importante dans le monde spirituel. Pour nous, Jésus est sauveur. Pour nous, Jésus est le Messie. Pour nous, Jésus est le berger. Pour nous, Jésus est tout, bien-aimé. Pour nous, Jésus est celui qui va nous sauver dans tout ce que nous sommes en train de rencontrer. Et ces gens n'avaient pas encore connu Jésus comme l'enfant de Dieu, le fils de Dieu vivant comme le sauveur, de telle manière comme le créateur. Et ils étaient en train de croire que le vent va faire noyer la barque dans laquelle Jésus s'est retrouvé. Ça veut dire que nos bien-aimés, nos frères avaient le premier problème. Ils avaient un déficit dans leur foi. Et jusqu'à ce moment, leur foi n'était pas encore accrue. Et dans la parole de Jésus, et en lui lui-même. Parce que Jésus a dit, traversons de l'autre bord. Jésus a dit à l'église, traversons de l'autre bord. Mais c'est au milieu du chemin, au milieu du voyage qu'il y a des problèmes. Mais de l'autre côté que Jésus a dit que nous allons traverser, c'est le but de notre vie chrétienne. C'est là que Jésus nous amène à la vie éternelle. C'est là que Jésus prépare pour nous la félicité éternelle et toutes les autres bénédictions. Nous pouvons parler des quatre choses que ces gens devraient avoir. La première chose, ils devraient savoir que il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même s'il y a une circonstance qui vient, qu'importe la circonstance en question, l'amour de Dieu est toujours là pour nous. L'amour de Dieu est toujours sur son église, sur ses enfants. La deuxième chose qu'il devrait connaître, qu'importe les circonstances, Jésus est avec eux pour le faire traverser. Comme aujourd'hui, Jésus est avec l'église pour nous permettre de traverser. La troisième chose qu'il devrait comprendre, Jésus compatit avec nous dans toutes nos souffrances. Dans Acte 9, 5, dans Acte 9, le verset 5, Paulo alikuwa anatesa kanisa. Lorsque Paul de Tars était en train de persécuter l'église, Yesu alimwambia alipomkutana. Jésus lui a dit lorsqu'il l'a rencontré. Kwa nini unanitesa? Pourquoi me persécutes-tu? Wakati kilio ilikuwa magonjwa na kilio iliingia mu nyumba ya mufamilia ya Marie, Martha na Lazare. Lorsque Marie, Marthe et Lazare étaient endeuillés dans leur famille, nous voyons que Jésus est venu dans cette famille pour qu'ils compatissent avec eux. Et c'est là que nous trouvons les versets les plus courts de la Bible. Et la Bible dit, Jésus plaira. Dieu a compassion, huruma kwa ile famille. À cause de la compassion qu'il éprouvait envers cette famille. Utapata, kisha Yesu akuangalia hivi kusema, eh, il n'y a pas une souffrance que tu peux éprouver que Jésus commence à se moquer de toi. Yesu, non. Jésus ne peut pas se moquer de toi dans tes souffrances. Il a un cœur de compassion. Tes souffrances sont ses souffrances. Lorsque tu sens la douleur, lui aussi la sent. De telle manière, mutu akikutesa anasema yeye ndio banatesa. Et la Bible dit que lorsqu'on est en train de te faire souffrir, c'est lui qu'on est en train de faire souffrir. Et la quatrième chose que les disciples devraient connaître, que nous aussi nous devons connaître, et que même si les circonstances n'ont pas changé, il voulait utiliser cette circonstance pour les enseigner. Romains 8, 28. Conformément au passage de Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Biblia nasema ya kwamba vitu vyote vinatumika kwa ajili ya mema ya wanaompenda Mungu. Kama tu unapenda Mungu. Si seulement tu aimes Dieu. Kila kitu kitakufikia. Toute chose va arriver à toi. Hata hii inapita kudunia. Même ce vent qui est en train de traverser le monde. Itageuka en faveur ya kanisa. Tout ça va concourir à la faveur de l'église. Mwisho Joseph akasema. Et à la fin Joseph dit. Mulinitakia mabaya. Vous aviez voulu pour moi le mal. Mungu akayabadilisha. Dieu les a changés en bien. Mungu abadilishe hii mabaya. Nous voulons que Dieu change yote ce mal. Yote ulimwengu wa giza ilitafutia kanisa. Que le monde des ténèbres a voulu pour l'église. Igeuke kwa avantage ya kanisa. Et que ça change, ça se transforme à l'avantage de l'église. Na ile siku Joseph alikuwa anasema ameikaa katika kiti ya ufalme. Et ce jour-là, Joseph est en train de dire, il était déjà assis sur le trône royal. Mungu a utilisé une circonstance. Que Dieu utilise ces circonstances. Kwa kupatia tena kanisa yake dimension ya yule. Pour donner encore l'église une autre dimension à la force. Parce que nous allons traverser certainement. Bien-aimé, je veux finir. En continuant de voir que le Seigneur Jésus a utilisé ce moment pour encore aider ses serviteurs à les comprendre davantage. Il y a des choses qu'ils devraient comprendre. Comme nous aussi nous devons comprendre. Comprendre par exemple Dieu a puissance ya Yesu. Comprendre ce qui concerne la puissance de Jésus. Juu ya autorité ya Yesu. Ce qui concerne l'autorité de Jésus. Comprendre juu ya gloire ya Yesu. Comprendre ce qui concerne la gloire de Jésus. Kuna vitu vingi ambavyo tungali tunahitaji kujua juu ya Yesu. Il y a plusieurs choses que nous avons encore besoin de connaître sur Jésus. Hatujamjua Yesu bien. Nous n'avons pas encore connu Jésus bien comme il le faut. Tunaona Mungu aliutiliser ile moment. Et nous voyons que Dieu a utilisé ce moment. Kwa kuweza kufanya tena kazi ndani ya mioyo pour faire encore un travail dans le cœur de ses enfants. Alors, bien aimé, je vais terminer en disant ceci. Il y a plusieurs leçons que nous pouvons apprendre à partir de ces moments que nous traversons. Entre autres, l'humilité. Et c'est pourquoi il dit si mon peuple, comme Taïf Ambalo, il commence à la première chose. Les enfants de Dieu, nous avons besoin dans le monde entier. Ce n'est pas seulement nos rois comme le roi Nebuchadnezzar. Mais nous-mêmes, enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous avons besoin d'apprendre l'humilité. La deuxième chose que nous pouvons apprendre pendant ce moment, dans Psaume, le chapitre 90, Psaume chapitre 90, tu nous lisons rapidement. Psaume 90, nous lisons rapidement. Tu n'auras pas le David qu'on a engagé, Moïse qu'on a engagé à Mungu. Nous voyons Moïse qui est en train de parler avec Dieu. Psaume 90, verset 12. Anasema, enseigne-nous à bien compter nos jours. Utufundishe kuhesabu vizuri siku zetu. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ili tuweze kuongoza roho yetu kwa hekima. Tuko na lazima ya kujua hesabu ya siku zetu. Nous avons besoin de faire bien le compte de nos jours. Bien aimé, tuko na besoin ya kujijua. Nous avons besoin de nous connaître. Combien de fois nous sommes fragiles. Mara ngapi sisi tunakuwa watu wa kuregea. Tuko watu wale ambao meme ka kitu kenye kanaweza kututisha. Bien aimé, ni haya leo kuba scientifique yetu, kuba sava yetu, kenye kiko na tutisha leo mumonde, kiko chini ya zero, hawezi kaona na macho. Vous voyez aujourd'hui la chose qui nous terrorise partout dans le monde, c'est une très petite chose, c'est un petit virus. Simplement kusema muko fragile ni batu mwache kiburi. Ça veut dire que vous les hommes, vous êtes fragiles, il faut laisser l'orgueil. Oh, tuko na mabombe atomique. Oh non, nous avons des bombes atomiques. Oh, c'est une puissance mondiale. Nous sommes la grande puissance mondiale. Mutupe basi bombe atomique ku corona amalizike. OK, maintenant envoyez une bombe atomique pour que le corona finisse. Bien aimé tujifunze kujua ya kwamba tuko fragile. Bien aimé apprenons à comprendre, à connaître, à nous apprendre que nous sommes fragiles. C'est un moment où nous devons apprendre. Na Mungu aweze kutusaidia. Et que Dieu puisse nous soutenir. Wakati tunatraverse. Lorsque nous traversons. Kama vile wa mitume walipo traverse. Comme lorsque les disciples ont traversé. Tunawaona wakisimama vizuri. Nous les voyons. Ils sont fermes. Ils sont en train de continuer avec le royaume de Dieu. Est-ce que Dieu peut nous aider en tant qu'église? En tirant des leçons dans toutes ces difficultés que nous sommes en train de traverser. Lorsque Dieu nous rétablira. Que nous les servions encore plus. Ayant déjà reconnu tout ce que Dieu nous a appris pendant ces moments. Comme Jonas, dans ses difficultés, dans ses souffrances, il a été enseigné. Nous aussi, nous devons apprendre. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de parler avec nous. Tout en chacun de nous, personnellement ou collectivement, Dieu est en train de parler avec les nations. Ceux qui se croyaient être des super-puissants. Aujourd'hui, ils sont en train de reconnaître qu'ils sont aussi fragiles comme tout le monde. C'est important de croire que Dieu peut nous sauver. Et c'est pour cela que les disciples ont crié à Jésus et il les a sauvés. Laisse que Dieu nous bénisse. Laisse que Dieu nous soutienne. Laisse que Dieu nous fasse grâce. Lorsque nous continuons à traverser ces confinements, ne crois pas que c'est la fin. Jonas alikuwa anazungumuza siku ya kurudi ndani ya presence ya Mungu. Jonas était en train de parler à Dieu le jour où il reviendrait dans sa présence. Ninataka kila mmoja développer vision ya kuona kuanza kujiona tukirudia katika kazi ya Mungu. Je veux à ce que tout le monde commence déjà à s'imaginer la façon dont il va continuer avec l'œuvre de Dieu lorsque il nous allons sortir de ces bien aimé, soyez ferme, travaillez de mieux en mieux. Ndio Biblia inasema muwe imara, mtumike kila mara zaidi kwa zaidi kazi ya Bwana. Après le confinement, engagement yetu kwe kubwa. Que notre engagement soit encore Mungu kwe namna tofauti. Notre façon de louer Dieu soit tumejifunza na kukapitalize hii moment tunapitia mu confinement. Parce que nous aurons déjà appris comment capitaliser le moment, le temps pendant ces moments que nous lakini avions traversé. Lakini tukipitisha hii moment bila kupata kusikia nye Mungu anatuambia. Mais si nous faisons passer ces moments sans apprendre ce que Dieu nous dit, itakuwa ole wetu. Ça sera notre malheur. Daniel chapitre 5. Si tu vas dans les livres de Daniel chapitre 5. Ule roi hakupata hata chance ya baba yake yeye alikufa. Tu vas voir que le fils du roi Nebuchadnezzar n'a pas eu la chance de son papa. Paris, son fils hakupata chance ya baba yake kukapitaliser leçon ndani ya magumu. Il n'a pas eu la chance comme son papa de capitaliser des leçons pendant les temps de souffrance. Acha Mungu atubariki. Laisse que Dieu nous bénisse. Tupate muda wa kuomba. Et que nous ayons nous allons avoir un moment de prière. Na bomoi nanga seyo Yesu masi. Tunaanza maombi kule kwa nyumba kwenye tuko. Nous commençons la prière là à la maison là où nous sommes. Seyo mwana na nzambe. Seyo Yesu Masiya. Avec ces versets, nous allons prier pendant une minute. Dans Jean 16, 33, pendant que nous sommes en train d'approcher papa pour lui communiquer dans deux minutes, Bible n'a pas dit que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez corona dans le monde. Mutakutana na corona duniani. Vous allez rencontrer des vents contraires. Mutakutana na zorubone. Prenez courage. Lakini muwe na bidii. J'ai vaincu le monde. Meshinda dunia. Utamwambia baba nipe courage. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi courage. Katika kuamini kwangu. Donne-moi le courage dans ma foi. Katika kutegemea. Dans ma confiance en toi. Mungu atupe courage. Prie à ce que Dieu puisse nous donner le courage. Mungu atupe courage. Tu prie à ce que Dieu puisse nous encourager. Mungu atupe courage. Prie à ce que Dieu puisse nous encourager. Mungu atupe courage. Seigneur, encourage-nous. Prie à ce que Dieu nous donne la paix. Anasema mioyo yenu isifadhaike. Que vos cœurs ne se troublent pas dans vos maisons. Partout tu peux te retrouver, que ton cœur ne se trouble point. Mais sois encouragé en Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse parole qui nous encourage. Tunambariki Bwana kwa ajili ya neno njema hili ambalo linatutia moyo. Et nous allons offrir à Dieu. Na tutamtolea Mungu. Nos offrandes, prends ton offrande et donne ça au Seigneur. Utachukua sadaka yako na utaitoa mbele ya Bwana. Car ça fait partie de notre adoration. Maana hii inakuwa ni miongoni mwa mabudu yetu. Là où tu te trouves. Mahali unapokuwa. Voici quelques communications. Tazama matangazo fulani. Nous avons eu deux naissances cette semaine. Watoto mbili walizaliwa wiki hii. Dans le couple Vianney Véronique. Ndani ya jamaa ya Vianney na Veronica. Un garçon et un garçon dans le couple Barwani Muyata. Na kijana mwingine ndani ya jamaa ya Barwani. Alors nous poursuivons le programme de jeûne et prière cette semaine encore de jeudi à samedi. Tunaendelea tena na mpango wa mafungo na maombi wiki hii kuanzia siku ya 4 hadi siku ya Je nous invite vraiment à y prendre part sérieusement parce que le Seigneur veut exaucer notre prière. Itakuwa wiki yetu ya ine na ninapenda sana muishike kabisa na heshima kubwa sababu Mungu atajibu maombi yetu. À 19h30, pasa moja unusu jioni. Nous nous retrouvons pour prier ensemble. Tunakutana kwa ajili ya kuomba pamoja. Nous annonçons aussi Tabitha en action. Tunatangaza pia Tabitha en action. Et nous invitons chacun de nous. Na tunalika kila moja wetu. L'amour en action. Wa upendo nao Il est écrit dans 1 Jean 3:18. N'aimons pas parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Tusipende tu kwa maneno, lakini tupende kwa Donc, matendo na nous allons apporter, partager. Tu peux prendre murongo, tu amènes à l'église. Nikusema unaweza kuchukua murongo, unaleta Prends une partie de ta provision et apporte ça. Ça va aider un frère et une sœur. Chukua sehemu ya akiba yako nyumbani que na Dieu ulete. Nous bénisse. Na itasaidia ndugu na dada. Mungu atubariki. Et nous bénissons le Seigneur que Dieu nous donne une semaine bénie, une semaine de prière. Bwana Mungu abariki wiki yetu. Amen. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Bwana asante kwa neema yako. Et nous te recommandons cette semaine qui commence. Tunakuachilia wiki hii inayoanza. Accomplis tes œuvres. Timiza matendo yako. Honore ta parole. Naheshimisha neno lako. Honore ton alliance avec nous. Heshimisha agano lako pamoja nasi. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Soyez bénis. Mubarikiwe. Et bon dimanche. Na Jumapili njema.